Yo, huh. Yo, huh. J'accuse sans abuser, mes mots sont pesés, pensées tel missile, je vais tout balancer. Le pourquoi du comment, on participe de force à leur danse macabre. Je m'accable pas, je pète plutôt un câble. Depuis trop longtemps ça dure, que le peuple endure les décisions de quelques ordures. Leur manipulation, la propagande à travers la télévision, médiatisation à outrance pour noyer le poisson, nous faire avaler le poison. On survit avec peine et souffrance, on est poussé vers la démence, plus rien n'a de sens. Mais on est censé sourire, s'estimer heureux de grandir dans ce pays rempli de pourri. J'accuse l'état d'abuser le peuple, de ne pas nous respecter, surtout quand ils gouvernent par ordonnance. Faut pas de clémence, sortez vos barils d'essence. On crame l'Elysée, virez ces gens pour qui on n'a pas voté par manque d'options. On est dans l'obligation de passer à l'action, fini d'être passif. J'accuse l'état de ruse pour nous manipuler. J'appelle mes frères, les enfants du pays, à se lâcher, tout casser pour se défouler. Seul moyen d'expression qu'ils prennent en considération. J'accuse le système de nous rendre esclaves, du patronat obligé de bosser, de se casser le cul, de se faire enfiler pour une poignée de billets. J'accuse les masses de ne pas avoir conscience du pouvoir, c'est nous. Ils nous divisent pour mieux régner résistance. J'implore la jeunesse contre Sarko, les gros font résistance. Et s'il le faut, violence. Faut plus qu'on se laisse faire, qu'on se taire, qu'on vive avec ce goût amer. Tout ce qui représente le système doit être détruit. Mon son, ta motivation, mon oration, mon plan de destruction. Écoute-moi, la vérité, je la crache à la face du monde. Je rêve, je fonde une armée, de m'emparer du pouvoir. Je vais dépouler et tout niquer. Je suis jeune, trop ambitieux, et pas assez heureux pour vivre tranquille. Alors je m'agite, surexcité, tandis que d'autres passent leur temps à se plaindre et à cramer du shit. Ce shoot, joue au foot, oublie la route du guerrier, vaincre ou mourir. Je veux pas pourrir sans rien tenter dans tout. Si t'es déjà flippé, dégage. Trouve ta place et pas toi sans foi ni loi. Tu es ton seul maître, maîtrise-toi et avance sur la voie du samouraï. Déraille pas comme trop de gars, sois fort et pas toi. Oublie jamais qu'on est nombreux de fous que sois courageux, rageur à l'heure. Faut qu'on remette les pendules à l'heure, il est temps. Imagine-toi être un clochard et tu verras qu'on est plus dans l'air du temps. Rien ne sert d'espérer un meilleur lendemain. Il nous reste plus qu'à serrer le poing, le lever bien haut, détendre le majeur. Un bras d'honneur pour tous ces salauds. J'ai que de la haine, c'est ma plus grande peine. Être impuissant, inutile, vil combattant, pas plus indispensable qu'un réverbère. Un réverbère, on perd cette illusion. J'ai cru en l'homme bon, j'étais con et jeune, trop souvent à jeun pour mon âge. Ma vie en dérapage, je dois ma survie au vol, à l'étalage. La fin te donne tous les moyens et pousse ton âme en enfer. Obligé de trahir tes principes à moins de 25 ans. Aucune aide sociale accordée, tous d'accord pour éliminer, laisser crever les parasites dès leur naissance. Ils évitent ainsi les nuisances. Bienvenue dans mon pays, la France, un de plus grosses puissances. Incapable de repousser la misère qui frappe à ses portes. Dans la rue, t'as pas de potes que des poteaux sur lesquels tu peux compter. Pour te soutenir si t'es trop foncé, arraché. Si t'arrives plus à marcher, tu t'écroules sur le sol et les gens passent, te matent de travers, te traitent de merde, de fainéant. Disent que c'est à cause de toi que la France va mal. T'es la conséquence des maux de la société. La populace, elle, te considère comme le problème. Visage blême à même le sol. Tu te mets à hurler un pamphlet contre le système. Tu fais de la peine à voir, hein. Maintenant ils te prennent pour un fou, un gars qui tient pas debout. T'es pas crédible, tu parles et le sens de tes mots inaudibles pour leurs oreilles de pucelle. Tu tournes alors vers le ciel, t'insultes Père Noël. T'envoies le Seigneur se faire foutre pendant que le monde se branle sur ton sort et t'envoie son foutre à la gueule. C'est dégueulasse, mais tellement cool que les gens restent indifférents. Et s'ils le pouvaient, ils vous buteraient ouvertement, histoire d'éviter de penser à ça. La vérité, la voilà crûment. Vous servez à rien, donc vous avez pas le droit d'exister. Alors moi je prends le MIC pour résister. Je suis un militant deux fois plus fort qu'un militaire. J'éclaire les esprits perdus, mon espoir leur mettre dans le crâne la connaissance. La seule arme qui te donne la puissance, pensez-y, pense tes plaies et va te battre. Petit combattant, petit guerrier, ne laisse pas aller ou sale pensée. C'est parti pour le freestyle, ton Vincenzo. Pas le pro du MIC, juste pour s'imposer. Dans le 5-7, je t'explique que c'est moi le casse-tête, celui qui pousse tout le monde à s'entêter. Je pénètre ton mental et comme une flèche létale, je suis complètement connecté à ce beat démentiel, démentiel. Comment tu sens que c'est partiellement que je rentre dans ton esprit? J'y fais ce que je veux, enfantin, comme Rocking Squat. Je te jure que je squatte des tas d'amis pour mettre tout le monde KO. Tout le monde d'accord, je suis pas comme ces rappeurs maudits qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. De toute façon, tu mens comme tu respires sans rire et dire que c'est ces mecs. mecs là qui gouvernent la France et qui veulent nous foutre en tôle. Pendant que se dépensent en vacances, une poutre dans la gueule que je leur enverrais si j'étais un géant. Putain, me prennent pour un gnangnan qui mange leur pain. Ça fait mal au cul de se faire sodomiser par l'État. La solution c'est la rue, car c'est la seule qui a les couilles assez grosses pour pouvoir enculer un gouvernement.